Vous êtes l'auteur d'un livre étonnant et passionnant intitulé « Salutations révolutionnaires » et d'un documentaire sur ce personnage criminel révolutionnaire, l'homme complexe Carlos, dont on vient de raconter le parcours et l'histoire. Je tiens votre livre dans les mains, édité par Grasset. Alors, c'est pas une simple bio comme on peut en avoir, on en a déjà lu, non, c'est autre chose. Et si je puis me permettre, c'est plus intéressant. Mais d'abord, comment et pourquoi vous êtes-vous intéressé à Carlos? Pourquoi ce sujet, déjà? Tout a commencé en 2013. En fait, j'avais lu un article dans le Figaro qui racontait la vie, enfin une espèce de la chute de Carlos en prison. Et du coup, voilà, ça m'a donné envie de faire une demande de parloir parce que je voulais voir à quoi pouvait ressembler la chute d'un vieux terroriste. Après, j'étais bien loin de me douter que ça allait durer 4 ans. C'est une histoire qui a duré bien plus longtemps que ce que j'imaginais. Et pour moi, ça a été rapidement vertigineux parce qu'en fait, en 4 ans, il y a une vraie relation qui s'est créée entre Carlos et moi qui est devenue très compliquée à gérer parce qu'il y avait un malentendu immense, c'est-à-dire que lui, très rapidement, il s'est persuadé que j'étais une recrue, que j'étais en son pouvoir et que j'allais l'aider à ériger sa statue. Il voulait vous transformer en agiographe, quoi. Il s'est dit, voilà tant mieux, un bon bouquin sur moi. Et il avait cet espoir complètement fou, mais constant, voilà, que j'allais l'aider. Donc, il y avait une espèce de gouffre entre nous, parce qu'on avait des intérêts complètement divergents, et donc il y a une partie d'échec très étrange qui s'est mise en place. Mais comment a-t-il pu penser que vous, journaliste, vous alliez faire une agiographie? Il a bien vu qu'il avait affaire à une journaliste, quoi. Quelqu'un qui n'allait pas s'en laisser compter. Ça veut dire quoi? Cet homme est moins intelligent qu'on le pense? Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il est intelligent, tout ça. Il est redoutablement intelligent, redoutablement manipulateur. C'est quelqu'un qui parle 8 langues, qui est très cultivé. Il a pas du tout intégré sa chute. Donc c'est quelqu'un qui a été traqué par les services secrets du monde entier pendant des années. Aujourd'hui encore, il imagine que les moindres de ses faits et gestes sont traqués, analysés, etc. Donc il se voit toujours au centre du monde. La réalité n'a eu aucune prise sur lui. Donc de toute façon, tout ce qui peut l'aider à participer à sa reconquête du pouvoir, il va s'en saisir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est persuadé, mais réellement persuadé. Et puis il a fait des années il est resté des années à l'isolement, ça n'a eu aucun effet parce que c'est quelqu'un qui est vraiment persuadé qu'il va rentrer au Venezuela, prendre le pouvoir. Il a déjà fait la liste des 1000 premières personnes qu'il allait buter, comme il dit. Donc il a vraiment, enfin, le meilleur reste à venir. Il est persuadé de son destin et de son étoile. Bon, ceci étant dit, c'est pas forcément passé loin. Il y a quelques années, il a failli être échangé contre Ingrid Betancourt. Donc il aurait effectivement pu réellement rentrer au Venezuela. Après, prendre le pouvoir, c'est une autre histoire. Mais enfin, ça a failli se faire. C'était quelque chose qui avait été organisé par son avocat, Maître Villemain. Oui, parce que ça aurait quand même déclenché de très sévères polémiques. Hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était... Bon, on va pas faire l'Uchronie. Et s'il était parti? il se trouve qu'il est en prison. Il n'est pas au Venezuela. Il est à côté de Paris, voilà. Sous un ciel gris et entre 4 murs. Bien. Quand on lit votre livre, on comprend, puis après on finit par le savoir, qu'il était question, je me trompe peut-être, avant tout de tenter d'expliquer les raisons d'une dérive révolutionnaire comme celle de Carlos. Est-ce que c'était ça votre ligne éditoriale, plus qu'un portrait finalement? Au début, j'avais pas du tout l'idée de m'intéresser à la partie historique de sa vie. Je voulais vraiment voir ce qu'était ce qu'était devenu ce terroriste, la chute de cet homme-là. Qu'est-ce que c'est que le mal absolu? Enfin, c'est une figure qui est présentée comme une figure du mal absolu. Donc c'était plutôt ça qui m'intéressait plutôt que la partie réellement historique. Après, c'est venu petit à petit, mais mon idée, c'était absolument pas de faire une biographie historique ou quelque chose un récit de journaliste neutre. Voilà, je voulais vraiment raconter une histoire humaine avant tout, quoi. Ce titre, Salutations révolutionnaires, qu'est-ce qu'il a déclenché comme réaction? Déjà, votre éditeur, quand vous lui avez dit ça, il a dit, oulala, salutations révolutionnaires. C'est une idée de mon éditrice, Juliette Jost. Bon. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Moi, j'avais, un des titres que j'avais proposé, c'était Illich, parce que l'idée, c'était d'aller voir derrière Carlos. Derrière Carlos, il y a Illich. C'est vrai que, comment dire, l'engagement politique, de Carlos, il était réel au départ, ça c'est sûr, mais c'est très rapidement devenu un prétexte pour assouvir sa soif absolue de pouvoir. Voilà, il a eu une trajectoire, alors il est devenu un personnage de fiction absolue, c'est quelqu'un qui a eu une épopée incroyablement sanglante et romanesque. Ah, ça y est, ça en a fait un film, une série même. Ouais, voilà, très rapidement, son engagement politique, il est devenu un prétexte. C'est un animal à sang-froid qui a un plaisir physique à tuer. Il est passé du révolutionnaire, bon, qui tue, au mercenaire, c'est absolument ça. Moi, j'ai sous-titré l'émission "Profession terroriste", hein, comme si c'était une profession qui rapporte de l'argent, ouais. Voilà. Et puis, avec cet argent, il mène la grande vie. En gros, c'est ça. Sa vie a vraiment basculé deuxième partie, c'est ça. Quoi. Voilà, en décembre 75, lors de la prise d'otage de l'OPEP, qui est quand même une histoire complètement folle. C'est-à-dire que, à l'époque, cette prise d'otage, c'est une commande de Kadhafi. À l'époque, les Iraniens et les Saoudiens ont obéi à leurs alliés américains et ils ont fait baisser les prix du pétrole. Kadhafi a perdu beaucoup d'argent. Il est furieux. Il veut se venger. Donc, il a cette idée complètement incroyable de mettre au point cette prise d'otage à l'OPEP à Vienne en 75. Et donc le seul qui accepte de mener cette épopée absurde, c'est Carlos. Donc c'est vraiment monté avec des bouts de ficelle. Les armes promises par la Libye n'arrivent pas, l'argent promis n'arrive pas, les informations non plus. Le jour de l'attaque, le commando mené par Carlos en fait ne sait même pas dans quelle salle a lieu la réunion avec les gens qui sont censés prendre en otage. En arrivant en bas, il demande à l'hôtesse d'accueil où est-ce que ça se situe. Donc très rapidement, ça tourne au carnage. Et les Iraniens et les Saoudiens proposent à Carlos un arrangement. Ils lui proposent de lui verser 50 millions de dollars et en échange de quoi il libérerait les personnes qui sont encore, les otages qui sont encore vivants. Donc c'est absolument contraire à tous les arrangements qui ont été passés avec Kadhafi. Carlos va s'arranger avec les Algériens, Bouteflika en l'occurrence. Donc l'argent va être versé sur un compte secret. Donc il libère les otages. Personne ne comprend rien à ce qui se passe. C'est une espèce un truc complètement étrange. Et donc Carlos, ce jour-là, il bascule de révolutionnaire en mercenaire. Et la suite de sa vie ne va être qu'une longue dérive où il va travailler pour tous les tyrans absolus. Oui, sans fil conducteur idéologique. Absolument, en fait. Parce que là, bon. Par exemple, après l'OPEP, il a 50 millions de dollars, il aurait très bien pu monter son propre groupe. Pendant 2 ans, il va se contenter de claquer tout cet argent sur les hauteurs d'Alger en pute et en champagne. C'est une histoire complètement... J'ai un autre exemple, d'ailleurs, d'incohérence idéologique. On est au service des uns, des autres. En 94, donc 5 ans après la chute du mur, 9 et 5, 14, c'est ça, les archives de la Stasi de l'ex-Allemagne de l'Est révèlent le rôle officieux qu'aurait tenu Jacques Vergès. Ouais. On y apprend que le célèbre avocat aurait pu servir de messager en 82 entre Carlos et le pouvoir en France aux prises avec les attentats. En tout cas, c'est ce que dit... tout en nuançant, le journaliste Luc Rosenweg sur France 2, c'était le 18 août 1994, on l'écoute. Il est maintenant établi, au vu du dossier rassemblé par la justice allemande sur le cas Carlos, que au moment où il s'agissait de faire cesser les attentats commis par Carlos en France pour faire libérer sa compagne Magdalena Kopp, Maître Vergès, qui était l'avocat de cette dernière, a pris contact avec des membres des cabinets de Pierre Mauroy et Gaston Defferre pour leur proposer une rencontre directe avec Carlos pour aboutir à un accord. Ce contact n'a pas eu lieu, mais en tout cas, Maître Vergès s'était déclaré en mesure de le faire aboutir. C'est un exemple de oui, tout ce qu'a pu faire. Vergès, il a joué effectivement un rôle très trouble dans cet épisode avec la tragédie de la vie de Magdalena Kopp qui a servi de prétexte pour une épopée sanglante épouvantable. Là, à l'époque, tous ces attentats qui sont menés en France en 82-83, Carlos ne défend plus aucune cause. C'est vraiment une vengeance parce que on a attrapé la femme du chef. Et donc, lui, il estime que c'est insupportable que ça continue comme ça. Et donc, des dizaines de gens vont périr par... Alors, Sophie Bonnet, on dit, et vous l'avez confirmé, que Carlos, c'est un homme intelligent et donc un manipulateur. Ouais. L'un va pas sans l'autre, on manipule rarement quand on n'est pas intelligent. Est-ce que vous êtes senti manipulé, vous, très franchement? Est-ce qu'à un moment, vous avez été manipulé par lui? Je me suis laissée happer par mon sujet, ça c'est sûr. Après, il y a eu une soumission réciproque, disons. C'est quelque chose, il y a eu une... Durant ces 4 années, c'est vrai que c'est un lien très étrange qui s'est noué entre nous. C'est aujourd'hui un homme très seul qui est l'ombre de ce qu'il a été. Et en même temps, alors il est extraordinairement brillant, etc. En même temps, c'est un animal à à sang-froid. Le fou sanguinaire qu'il a été est toujours là en embuscade, donc il peut en quelques secondes complètement péter les plombs. Et il se vit encore aujourd'hui en chef d'armée, c'est-à-dire qu'il met au point des tas de petites stratégies complètement douteuses pour opposer les gens qui viennent le voir, opposer ses avocats. Enfin voilà, il passe son temps à réfléchir à de quelle manière il va prendre le pouvoir. Même au sein de la prison, il dépense une énergie considérable pour expliquer qui il a été, faire revivre sa légende, il signe des autographes. Et donc, alors, bon, par rapport aux autres détenus, de toute façon, il est extrêmement différent. C'est un détenu complètement modèle, qui ne se drogue pas, qui ne boit pas, c'est tout à fait différent du reste de la population carcérale. Mais il dépense beaucoup d'énergie pour prendre de la hauteur, commander, diriger, faire. Voilà, il est dans sa tête, il se vit encore comme le chef. C'est un grand manipulateur, oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il pense être libéré un jour? Vous savez, les perpétuités, parfois, on a des libérations. Il a 3 perpétuités et il est absolument persuadé, effectivement, que la chance va tourner, que son étoile, qu'il l'a un peu abandonnée depuis quelques années, depuis la mort de Chavez, parce qu'effectivement, le Venezuela l'a beaucoup financé les dernières années. Tout ça, c'est fini. Donc, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui sans le sou. Il se voyait finir en Che Guevara, sublime, mourir au combat, etc. Et jamais il aurait imaginé une chute aussi rude que celle qu'il vit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un papy oublié de tous, tout le monde, beaucoup de gens pensent qu'il est mort, il mange des sneakers en cachette à la cafétéria du parloir parce qu'il est diabétique. Jamais il aurait pu imaginer ça, mais pour lui cette chute, elle n'existe pas. C'est quelqu'un qui ne voit pas sa chute et il est persuadé qu'il va reprendre le pouvoir. Dans sa tête, ça ne fait aucun doute et c'est ce qui le fait tenir, ça c'est sûr. Alors, votre livre, on va entrer un peu dans le détail de votre livre. Je disais qu'il était plus intéressant qu'une biographie classique parce qu'il est composé, me semble-t-il, de 3 plans que nous allons aborder ensemble là maintenant. Le premier, c'est évidemment l'histoire de Carlos, sa personnalité, ses dérives, on en a parlé. Le second, c'est votre démarche, votre travail qui tourne autour de la question pourquoi avoir passé 4 ans à travailler sur ce projet, 4 ans à lui rendre visite tous les mois. C'était une fois par mois, c'est ça? Oui, bon. C'est des parloirs de 5 heures, oui, une fois par mois. Et 5 heures, et donc raconter l'homme derrière le criminel au risque de se mettre un peu en danger mentalement finalement. Oui. D'aller fréquenter un type comme ça tous les mois, c'est pas anodin. Puis alors le troisième plan, qui devient au fur et à mesure d'ailleurs le récit le plus important, le présent, c'est donc la prison, les prisonniers, les visites, cet univers carcéral dans lequel vivent aussi ces hommes, ces femmes, maîtresses, mères, épouses, sœurs, qui viennent visiter leurs hommes, et malgré les violences. On est d'accord sur les 3 plans, les 3 niveaux de lecture? Oui, absolument. Oui. Bon, ben on va commencer par le premier, celui du personnage et de son histoire. Donc on l'a fait, on a parlé de la personnalité de Carlos, de ses terroristes au service de tout le monde et de personne, et finalement de lui-même, ses liens avec les autres services de l'Est. Quand il en parle de ça, de cette épopée, même si elle est meurtrière, qu'est-ce qui retient en premier? C'est très important pour lui de toujours rattacher ça à une cause. C'est-à-dire que, bon, par exemple, pour l'OPEP, lui, il ne raconte absolument pas qu'il est parti avec l'argent. Lui, il se présente toujours comme un révolutionnaire. Il se présente toujours comme ayant été suivi, accompagné, il dit « nous ». Et voilà, il prétend avoir dirigé plus de 600 hommes. Enfin, il inscrit toujours, il garde à la fois un grand flou sur pas mal d'actions. Et il inscrit toujours tout ce qu'il a fait dans une espèce d'action générale, révolutionnaire, qui a contribué à beaucoup de choses, notamment à la libération de la Palestine, ce qui, de mon point de vue, est complètement faux. C'est quelqu'un qui avait un plaisir physique vraiment à tuer et qui cherchait le pouvoir avant tout. On a dit que Kadhafi avait financé Carlos pour un projet d'assassinat du président Anwar El Sadat. Absolument. Kadhafi, Ceausescu, ensuite la famille Assad. Là, ça a été vraiment. Il a passé des années en Syrie à partir de 83-84 jusqu'à 91, où là, il était vraiment mercenaire au service de la famille Assad. Alors, il était en plus financé par des nazis qui étaient aussi cachés là-bas. Enfin, il y avait des liens forts avec le pays. Quelle engeance, Aloïs Brunner. Quelle engeance, dites-moi. Absolument, oui, c'est vraiment. C'est... Libye aussi, donc. Oui, Kadhafi beaucoup. Oui. Alors, Kadhafi les a beaucoup, beaucoup financés. Oui. Donc les États voyous. En fait, il était le bras armé des ce qu'on appelle les États voyous. Absolument, il est devenu mercenaire pour tous les pires tyrans du XXe siècle, oui, ça c'est sûr. C'est une dérive. De toute façon, à partir du moment où il a quitté l'action révolutionnaire en 75, enfin il l'a quitté, on l'a mis dehors, parce que quand on a compris ce qui s'était passé, il aurait pu par exemple faire le choix de rentrer au Venezuela, mais pour lui c'était inimaginable de s'abaisser avoir une vie normale, etc. Alors que l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens au Venezuela avec qui il était à l'époque, ses amis d'enfance, sont aujourd'hui des gens qui sont réellement au pouvoir, qui occupent des postes très importants, directeur du Sénat, etc. Donc s'il était resté... suivre la voie tracée par son père, marxiste-léniniste convaincu, il serait vraisemblable, enfin en tout cas tout à fait possiblement au pouvoir aujourd'hui au Venezuela. C'est un homme qui est à l'écoute des médias. Je ne cherche pas à savoir s'il nous écoute aujourd'hui, je m'en fiche complètement. Mais est-ce que quand il est à l'écoute des médias, ça lui renvoie quand même l'image qu'il... Parce que vous dites qu'il est dans une sorte de déni de réalité. Hein. Ouais. Or, de sa réalité, en tout cas, réalité, qui serait trop dur à accepter. Mais les médias, s'ils ne sont pas forcément la vérité, ils traquent quand même la réalité. Et la réalité qu'on renvoie, nous, les médias, ce n'est pas la sienne. Et il écoute les médias. Absolument, il écoute la télé, enfin les chaînes d'information en continu, il lit énormément, il écoute la radio, il lit beaucoup, beaucoup, beaucoup la presse. Il m'a, enfin voilà, une de ses grandes problématique, c'était que là, le Venezuela ne lui finance plus d'abonnement. Donc, Figaro, Le Monde, etc. Enfin, il lit vraiment de très, très nombreux titres. Donc, il cherchait absolument désespérément des moyens de récupérer ses abonnements. Mais il suit l'actualité très précisément. Oui. Donc, il a épousé en prison son avocate. Oui. Alors, c'est un mariage, c'est une union religieuse, hein, selon l'islam. C'est pas une union civile. À l'époque où ils se sont mariés, Carlos était encore marié avec Magdalena Kopp. Donc, c'est une union religieuse. Voilà. Bien. Eh ben, on va écouter cette dame, avocate, maître, Coutant-Père. Elle s'exprime ici même sur France Inter le 3 novembre 2011. Dans nos conversations, nous avons réalisé que depuis le mois de juin 1997, quand je suis devenue son avocat, il y a eu immédiatement une attraction réciproque, ce qui s'est traduit en tout cas par la confiance qu'il a mise en moi, en me désignant immédiatement comme la responsable de son collectif d'avocats. Et nous avons pendant longtemps mis une sorte de digue à ce qui était une attraction, en fin de compte, irrésistible. Mais vous acceptez le fait que, bon, on dise que Carlos a toujours été un grand séducteur, qu'il fabule aussi peut-être beaucoup? Écoutez, j'ai pas de raison de ne pas croire mon futur mari sur ce point. Et si c'est un grand séducteur, je suis particulièrement flattée de devenir sa femme. Vous connaissez, vous la connaissez personnellement, Maître Coutant-Père? Vous l'avez rencontrée? Je pense qu'elle ne me porte pas dans son cœur. Dans le livre, je l'appelle Madame Carlos et je raconte un certain nombre d'anecdotes. Elle était très opposée à ce projet de livre. Voilà. Bon, parce que vous parlez de Carlos et des femmes. Brigitte, page 210. Ah ben ça, c'est Carlos et les femmes, c'est une grande histoire. C'est vraiment quelqu'un qui a... de tout temps utiliser les femmes qui lui apportaient, enfin qui lui offraient leur compte en banque, qui rapportaient des armes, des informations, etc. Il y sortait toujours avec plusieurs femmes à la fois. Elles lui ont été très utiles tout au long de sa carrière. Oui. Alors d'abord, page 210, vous parlez de Brigitte. Oui. D'accord. Je vais lire un extrait. Oui. Avec Brigitte, ça s'est fait par hasard un après-midi à la plage, à entendre Illich. Donc Carlos, cette histoire est d'une simplicité confondante. À l'époque, toutes les filles du camp sont amoureuses de lui. Alors c'est simple, elles se disputent son attention, se battent pour finir dans son lit, et c'est Brigitte qui remporte la partie, et c'est tout. Voilà, rien d'officiel, juste du bon temps, elle ne prend pas la pilule. Bah, si elle tombe enceinte, ça ne sera pas grave. Quelques semaines plus tard, alors qu'il quitte le Yémen, Brigitte lui annonce qu'elle attend un enfant. Bon, ni près de guerre, attention, et aucun des deux ne renonce à la lutte armée. En juin 1976, à 6 mois de grossesse, Brigitte est envoyée pour attaquer un avion. Là, c'est très intéressant parce que ça va nous renvoyer sur quelque chose qu'on connaît bien. L'opération d'Entebbe, car il s'agit de cela, est censée faire capoter les négociations entre l'OLP et les USA. Alors, le 27 juin, un commando de 4 terroristes détourne donc un vol Air France en provenance de Tel Aviv. On avait consacré une émission d'affaires sensibles à cet épisode d'ailleurs. L'opération se veut une vitrine de l'antisionisme. Les 246 passagers sont séparés en deux groupes, les juifs d'un côté, les non-juifs de l'autre. Les Israéliens donnent l'assaut, le fameux raid sur Entebbe. Les terroristes meurent, le corps criblé de balles. Illich l'apprend en écoutant les nouvelles à la radio et il semble regretter leur enfant jamais né, mais il n'a pas un mot... Pas un mot pour Brigitte, elle est allée rejoindre dans sa mémoire, écrivez-vous, la masse informe de ses conquêtes féminines. La masse informe de ses conquêtes féminines. C'était ça? Oui, Carlos. Absolument. Pour lui, c'est une sorte d'échiquier. Les gens ont tous une utilité, et mis à part ses parents à qui il voue une dévotion sans limite. Sinon, tout le monde est utilisé. C'est une espèce de jeu de rôle perpétuel et il calcule en permanence, quelle partie il va pouvoir tirer d'un tel ou d'une telle, oui. Le rapport avec ses parents ou l'image qu'il en a ou la façon dont il en parle, c'est important dans son parcours. C'est capital, c'est fondateur. Son enfance, vraiment, il a été le façonné par son père. Les trois frères, donc comme vous l'avez dit, Lénine, Vladimir, Ilitch, ont été vraiment façonnés par la folie de leur père, qui était un marxiste-léniniste convaincu, qui a élevé ses trois enfants dans l'idée qu'ils allaient devenir de parfaits petits révolutionnaires, tout en étant élevés dans un luxe extrême. Et donc, il y a une espèce de folie comme ça, dès l'enfance, qui s'est dégagée de cette famille. Et Ilitch, dès qu'il était enfant, avait la certitude qu'il allait devenir, un révolutionnaire, un héros. Enfin, c'était quelque chose qui, voilà, il s'est construit avec ça. La mère. Et la mère était quelqu'un aussi, de plus effacé. Oui. Voilà, mais c'est la structure familiale, c'est capital, et il garde du Venezuela une espèce d'image complètement idyllique, complètement fausse de mon point de vue. Mais c'est vraiment une espèce d'île au trésor, un truc complètement. C'est devenu une espèce de truc complètement fantasmé, intouchable dans son souvenir. Et ses parents sont vraiment les deux seules personnes, auxquelles il ne faut pas toucher, quoi. Et vous, Sophie Bonnet, ce sera ma dernière question, c'est la plus indiscrète. Dans quel état êtes-vous ressortie de cette aventure-là? Parce qu'on n'en sort pas indemne, j'imagine. Non, c'était vraiment extrêmement difficile. C'était vraiment extrêmement difficile le rapport humain avec Carlos, ça c'est sûr. Et moi, j'ai été vraiment très très touchée, atteinte par la grande misère du monde carcéral français. Donc oui, c'est un monde d'une extrême violence. Et je l'ai dit. Et en même temps très absurde. On en rit beaucoup aussi, mais c'est quelque chose de. J'imaginais pas ça. Merci infiniment, Sophie Bonnet. Ce livre s'appelle donc Salutations révolutionnaires chez Grasset. C'était Affaires sensibles. Aujourd'hui, profession terroriste. Carlos, donc, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires sensibles pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires si le cœur vous en dit. Puisque nous sommes jeudi, j'ai remercié toute l'équipe, c'est de tradition, qui a préparé les Affaires sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Carra, Jeanne Meyer et Thierry Leclerc. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Jérôme Boulet, Jérôme Chélius et Coyenne Guyenne. À la technique aujourd'hui, Clément Berman.